en steak, prépare-toi à l'enfer. Le paradis, t'y étais juste avant de naître. Être libre, j'ai plus de ça en tête. Mais accepter de vivre, c'est accepter de sourire chaque jour à celui qui te tuera en traître. Tout baigne quand je mélange la vodka et le jus de pomme. Merde, regarde où ça nous mène. Regarde où ça nous mène. En guerre contre nous-mêmes. Faudrait qu'on trouve la paix intérieure avant de vouloir la paix sur le globe. J'ai des blessures que je ne peux pas soigner. Hier, tu m'appelais frère. Aujourd'hui, tu m'appelles même plus. Essayer de comprendre serait peine perdue. Je t'en veux pas, mais sache que ton absence pèse une tonne. Trop fidèle à moi-même pour être leur future star. Pour m'endormir, je compte mes points de suture le soir. J'ai jamais tenu une arme. N'empêche que ma vie est une belle femme que j'ai eu l'occasion de niquer plus d'une fois. Eux te parlent d'oseille, moi je te parle de ce que je connais. Les deux mains collées, je regarde le ciel. Eux te parlent d'oseille, moi je te parle de ce que je connais. Les deux mains collées, je regarde le ciel. Dehors les marmots perdent l'impression d'être dans un film avec un scénario de merde. Le manque d'ambition écrase nos rêves. L'impression d'être dans un film avec un scénario de merde. Je rêve de m'enfuir sans chichi. En vivant ici, je vais devenir fou. Là sont les gens qui te rendent visite quand t'es en zonze ou dans la dèche. Comme un braqueur au volant d'une voiture bélier, je fonce dans le mur. C'est soit je tombe, soit je m'en tire enrichi. Et pas de ce classe qui t'empêche d'avancer. J'écoute ce que la vie m'enseigne. Non, je tiens pas le terrain, calibre en poche. Je fais ma zig sans me perdre, entouré de gens simples. Mes seuls proches qui ont plus les pieds sur terre sont ceux partis dans le ciel. J'ai rappé ce que j'avais sur le cœur, pas venu t'ambiancer, y'a que mon moral qui est sapé comme jamais. J'ai rappé ce que j'avais sur le cœur, pas venu t'ambiancer, y'a que mon moral qui est sapé comme jamais. Moi, j'ai pas déçu les mecs avec qui je traîne. Si je perds, si je resterai le même, j'effacerai juste mes têtes. SRK, SCP, fidèle au mien, quoi qu'il arrive, on change pas une équipe qui repart gagnante, même après une défaite. Eux te parlent d'oseille, moi je te parle de ce que je connais. Les deux mains collées, je regarde le ciel. Eux te parlent d'oseille, moi je te parle de ce que je connais. Les deux mains collées, je regarde le ciel. Tout ça n'a pas le goût de paradis, tu seras d'accord. On fout, voit la vie, tu vois la mort. Tout ça n'a pas le goût de paradis, tu seras d'accord. On fout, voit la vie, tu vois la mort. Dehors les marmots perdent l'impression d'être dans un film avec un scénario de merde. Posé sur un banc, je reste là, j'observe. L'impression d'être dans un film avec un scénario de merde.